Bonjour Serena. Bonjour Paulin. Aujourd'hui, nous allons parler du top cruise du plus woke. C'est le top cruise. Alors Serena, qu'est-ce que c'est que ce top cruise du woke? On va pas parler cuisine asiatique, j'ai l'impression. Non. Woke dans les sens... ce qui est devenu aujourd'hui un peu, c'était utilisé de façon un peu péjorative. Oui. Du gaucho, quoi, de la personne avec des idéaux, des valeurs. Mais d'habitude, le woke, il n'est pas considéré très positif. Moi, je le prends du point de vue positif, quand même. Ah, oui. Vraiment, une personne avec des visions du monde éveillée, un peu... Et puis qui prend en considération toutes les discriminations. Gauchiste. Ouais, ok. Ça n'a pas été simple. Parce que alors là, ce que j'allais dire, j'avais oublié qu'on avait fait ce top, mais alors celui-là, il ne doit pas être facile. Il n'est pas simple parce que disons que à peu près 90% des films de Tom Cruise, il est soit un policier, soit de l'armée, soit un avocat. C'est pas ce qu'il y a de plus woke dans le cinéma. Non. Mais j'ai quand même réussi à faire un petit top 3. Okay. on va commencer avec les numéros 3. Bon, c'est pas vraiment dans l'ordre, mais bon, disons numéro 3. Ouais. Les grands vampires, les stats des Lioncourt. Parce que c'est le seul personnage de Tom Cruise qui a un couple de homoparentalité. C'est vrai. Et ça. Ça, c'est woke. C'est woke. C'est clair. Et puis, ils en ont rien à foutre. Enfin, tout va bien. Il n'y a aucun souci. C'est l'amour libre et tout. C'est très woke, c'est vrai. C'est les vampires. Après, bon, il est carnivore. Bon. Ouais, c'est ça, il n'est pas l'autre, ouais, il est vegan quand même. Mais... Ouais, mais c'est technique. C'est qu'en fait, ils sont obligés. Ils sont obligés. Ouais. Mais quand même, tu vois, et il s'occupe de sa fille et ouais, il l'a choisi, il l'adopte quelque part, tu vois. Il s'en occupe, il la gâte, il est là jusqu'à se faire... tué par sa fille, ou en tout cas presque. Donc je trouve ça très, très joli. Ok. Avec la petite touche que tous les vampires aiment le théâtre. C'est très beau. Plus moi que ça. Donc okay. Voilà, non, bah, fait. Au numéro 2, pardon, 4, parce que maintenant tu vas comprendre pourquoi. Okay. J'ai dit 4 parce que c'est né un 4 juillet. Ah oui. Walk sur le tard. Walk sur le tard, mais c'est quand même le mec qui a fait l'armée, certes, oui. Mais qui va en manif. Oui. Qui lutte pour ses droits, qui voilà, et s'organise quand même avec les autres. Et qui devient un symbole en plus de l'anti-guerre, quoi. Oui, et qui est là et qui s'organise avec les autres, qui essaie de s'en sortir par la lutte. Oui. C'est woke, ça. C'est, quand bah même. Oui, et puis dénoncer la guerre du Vietnam, enfin, dénoncer les guerres quand t'es aux États-Unis, c'est. C'est quand même pas rien. Ouais, ouais. Donc, Ronkovitch. Je me rappelais plus comment c'est. Ronkovitch. Et number one du woke, bien sûr, c'est Legend. C'est parce qu'il est vegan. Non, parce que il aime les animaux. Il est un peu avec la nature. Il est en concordance parfaite avec tous les êtres de la nature. Bon, à part la sorcière qui dit qu'elle a une vieille casserole, mais mais quand même, tu vois, il est. Oui, il sauve les renards, tout ça. Il vit. Si c'est pas un hippie, Jack ah the oui, Legend, non, je vois pas moi. Ah, c'est un zadiste. C'est un clairement. Zadiste. C'est vrai. C'est un zadiste. Ouais, ouais. Il est là. Il est pote avec tout le monde, tu vois, et il comprend le respect des unicornes, des licornes, du coup, des gnomes, de folies, de renards, des oiseaux. La Pachamama, quoi. Oh, la Pachamama. Je sais pas. Oui. Best walk. Il pourrait être un Ariégeois avec une super cabane dans la forêt. Tu vois, je le vois vraiment. Ouais, tu le connais, ce Jack. Tu le connais. Je le connais. C'est mon pote, quoi. Eh bien, merci Serena. Eh ben, merci à toi. Pour ce magnifique top cruise walk. Top walk cruise. Eh ben, à demain. À demain.